The synthesis. J'imagine pas mon avenir sans mon père ou ma mère, sans mes proches ou mon frère. En pensant à ça, je t'avoue que le cœur est failli. Affecte notre vie en l'air une fois que la mort atteint un membre de notre famille. Mais c'est fatidique. Je sais très bien que chaque début a une fin. Mon histoire à la religion, qu'on point de repère, c'est infailli. Infléchi par le shétan, je le combat avec un tapis de prière. Que Dieu nous protège. Aimé, tu sais ce qui nous pousse à la bêtise, c'est le fric. Tu sais ce qu'on déteste le plus, c'est les flics. J'compte toujours faire de mon avenir une réussite. Sache que je n'attendrai pas la gloire pour qu'on me sollicite. Pendant que je consomme, ma vie se consume. Aucune colle ne rassemblera mes cassures. J'ai toujours cru à la lumière, même en étant du côté obscur. Ouais, du côté obscur, marre de rester dans les ténèbres. Fini l'époque où j'étais tirailleur, ou celle des States où j'étais nègre. La réussite pour les nôtres, la gloire viendra nous lécher les parce qu'elle viendra un jour. Reste loin des blaireaux qui l'héros, l'héroïne, terroriste, frérot, vide rouge. Analyse ma théorie, trop de fait horrible et rien d'héroïque. Nous, on mène nos vies sans être correct. On craque et crise et la bêtise caresse nos rêves. Mais n'oublie pas qu'après la pluie vient le soleil, même en délinquance, car après l'huile vient les pommettes. N'oublie pas que les anges écrivent nos fautes et que la vie est faite ainsi depuis l'époque des dinosaures. Et puis continue à gratter des kilos de strophes. Puis ne compte pas sur le rap, on en place de philosophes. Pendant que je consomme, ma vie se consume. Aucune colle ne rassemblera mes cassures. J'ai toujours cru à la lumière, même en étant du côté obscur. Ouais, du côté obscur, marre de rester dans les ténèbres. Fini l'époque où j'étais tirailleur, ou celle des States où j'étais nègre. La réussite pour les nôtres, la gloire viendra nous lécher les parce qu'elle viendra un jour ou l'autre. Je n'ai pas le mal de vivre, hamdoulilah. Mais de jour en jour j'ai chaud, et ça était comme hiver. Les flammes se rapprochent de plus en plus à Oudoubilet. Maintenant tu comprendras que je suis de ceux qui croient au septième. J'ai peur parce que la fin est proche. Trop de signes à l'horizon, le jugement dernier approche. On coche toujours la mauvaise case et on s'étonne quand on apprend que ce n'était pas la bonne. On va vers l'enfer et le vice, orienté vers le bise. Penché vers le vide de nos vies, on perd le rythme. On est apeuré par le risque. On boycotte le BEP, le CAP et peu après on paie le prix. Pendant que je consomme, ma vie se consume. Aucune colle ne rassemblera mes cassures. J'ai toujours cru à la lumière, même en étant du côté obscur. Ouais, du côté obscur, marre de rester dans les ténèbres. Fini l'époque où j'étais tirailleur, ou celle des States où j'étais nègre. La réussite pour les nôtres, la gloire viendra nous lécher les basques. Elle viendra un jour ou l'autre.